Ce matin, nous allons commencer une nouvelle étude dans l'Épître aux Thessaloniciens. Et la raison première que j'ai décidé de faire cette étude de ce livre-là, 1 Thessaloniciens, et nous allons faire aussi 2 Thessaloniciens, c'est parce que quand j'ai fait l'étude sur l'Apocalypse, quelques-uns d'entre vous m'ont demandé pourquoi est-ce que je n'avais pas parlé de l'enlèvement, tout simplement parce que je crois que les livres d'Apocalypse n'en parle pas d'une façon aussi claire qu'on voudrait, du moins. Et les deux livres qui en parlent le plus, je crois, dans le Nouveau Testament, c'est la première et deuxième épître aux Thessaloniciens. C'est ce que nous allons étudier ensemble pendant les mois qui vont venir. Je vous encourage à lire l'épître aux Thessaloniciens, première épître, du moins pour le moment, d'une façon peut-être hebdomadaire, c'est pas tellement long, c'est quelques chapitres, 4-5 chapitres, 5-6 chapitres, donc juste l'étudier tranquillement, le lire, et ça va vous aider à mieux comprendre mon enseignement, et peut-être aussi voir des possibilités où est-ce que je me tromperai sur l'interprétation que je donne des textes. Quand nous étudions l'Épître aux Thessaloniciens, nous voyons à plusieurs reprises des mentions de l'enlèvement. Et pour une petite épître comme cela, on se demande des fois pourquoi est-ce que Paul en parle tant. C'est parce que l'Église de Corinthe, pas de Corinthe, mais de Thessaloniciens avait reçu de l'enseignement, pas beaucoup, mais un peu d'enseignement sur le retour du Seigneur, et ils ont pris des décisions qui troublaient un peu l'apôtre Paul. Et donc l'apôtre Paul va clarifier certains dires par rapport au retour du Seigneur et à l'enlèvement de l'Église. Les débuts de l'Église, nous pouvons les voir dans les actes des apôtres. Quand nous lisons acte 16, versets 6 à 7, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer les paroles dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » Donc, voici Paul qui veut annoncer l'Évangile et est empêché par l'Esprit-Saint d'aller en Asie. Il traverse la Phrygie et le pays de Galatie. Et rendu à Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne leur permit pas. Donc, il y a deux fois où l'Esprit les empêche d'aller en certaines directions et va les diriger dans une autre direction pour qu'ils se allent en Thessalonique pour parler du Seigneur. Juste en acte 17, verset 1, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés de ce et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener avec le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béré. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, Paul ici nous est montré avec Silas, et on va voir un peu plus loin peut-être que Timothée était aussi avec eux autres. Et c'est Dieu, une chose qu'on est sûr qu'on peut voir à travers ça, c'est Dieu qui a dirigé Paul et Silas à aller en Thessalonique pour commencer l'Église. On ne sait pas comment l'Esprit Saint s'y est pris pour les diriger. Mais je crois fermement, personnellement, que Dieu dirige encore aujourd'hui son Église afin de partir d'autres églises dans d'autres villes, d'autres places, afin que son royaume s'étende sur toute la terre. Souvent, les gens nous interrogent comment on fait pour savoir. Comment est-ce que Dieu dirige? Il faut faire attention à comment on répond à cela. Parce que Dieu dirige. Et je crois que par la foi, Dieu dirige. Comment il le fait aujourd'hui, comment dans chaque situation, dans chaque ville, dans chaque pays, on entend toutes sortes de choses, de toutes sortes de frères et sœurs, de toutes sortes de directions que Dieu leur a données. Je ne veux pas commencer à argumenter là-dessus ce matin, mais une chose est certaine, Dieu dirige son Église. Il faut le croire par la foi. Comme on le voit ici diriger Paul et Silas vers Thessalonique afin qu'ils puissent commencer l'Église du Seigneur Jésus-Christ là-bas. Ça s'est passé environ en l'an 50 après Jésus. Donc c'est une des premières lettres que Paul a écrites et à cette Église-là, cette jeune Église-là. Dans le verset 1, on voit que Paul s'affilie avec Silas et avec Timothée pour écrire. On connaît un peu plus Paul. On a lu plus sa vie. On a entendu parler plus de lui. Paul, qui était un juif, et comme il dit lui-même, hébreu né d'hébreu, pharisien né pharisien, très zélé pour la foi juive, pour la loi du temple. Et on sait qu'il s'est converti en allant à Damas, persécutant l'Église. Il s'est converti à rencontrer Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a confié la mission d'aller vers les païens pour annoncer l'Évangile. Donc, Paul n'était pas quelqu'un d'ordinaire, si je peux dire ainsi. Il y a eu des apparitions du Seigneur Jésus-Christ. Il dit lui-même, ce que j'ai reçu, ce que je vous ai annoncé, ce que je vous ai prêché, je n'ai pas reçu d'aucun homme, mais Jésus lui a apparu. Il lui a donné l'Évangile. Il lui a enseigné l'Évangile. Il lui a dit quoi enseigner. Donc, Paul était un homme qui était un apôtre, parce qu'il avait été envoyé par Jésus-Christ. Donc, Paul était un homme très spécial qui a reçu directement de Seigneur Jésus-Christ la mission. Et aussi, il a reçu la vérité. Il a reçu des dons spéciaux. Donc, c'est quelqu'un digne de foi. Silas était aussi appelé Sylvain dans les Actes des Apôtres. Dans Actes 15, 22, on dit que Jude, appelé Barsabas et Silas, homme considéré entre les frères. Donc, Silas était un homme considéré. Dans Actes 15, 32, Silas, qui était aussi eux-mêmes un prophète. Donc, Silas était reconnu par les chrétiens du premier siècle, de la première génération, des premiers 25-30 ans après Jésus, comme un prophète de Dieu. Dans Actes 15-40, Silas était recommandé par les frères avec Paul pour aller annoncer l'Évangile. Silas, dans Actes 17-14, est nommé comme étant quelqu'un que Paul a laissé derrière lui avec Silas et Timothée à Bérée pour annoncer, pour poursuivre le travail que Paul avait fait à Thessalonique. Donc, Paul, Silas et Timothée étaient des hommes recommandés par les apôtres, recommandés par les frères, prophètes de Dieu, choisis par et envoyés par Paul ou par les apôtres ou par les frères et les sœurs de différentes églises. Dans ce temps-là, on n'avait pas les Nouveaux Testaments écrits. Et les gens qui se promenaient amenaient avec eux autres des lettres de recommandation, si je peux dire ainsi. Ils étaient proposés par des hommes et des femmes qui leur faisaient confiance. Et encore aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Si vous faites de recherche pour François Nollet, je peux dire, mais je suis recommandé par l'Association des Églises Baptistes au Québec et par l'Association des Églises Baptistes du Canada. J'ai été éprouvé, j'ai été, je peux dire, testé, j'ai été examiné, si je peux dire ainsi. Et on m'a recommandé. Quand je vais dans les églises anglaises, ils ne me connaissent pas. Mais ils parlent avec des gens du Québec, ils parlent avec des gens de l'Ontario, des dirigeants, et ils disent, de toute façon, ne laissez qui ça? Et là, on va leur donner, si je peux dire, des recommandations, de l'approbation, des accréditations pour moi, afin qu'ils puissent me faire confiance, un petit peu du moins, afin que je puisse être leur représentant, qu'ils peuvent me soutenir financièrement, prier pour moi, afin que je puisse annoncer l'Évangile au Québec en leur nom. Même encore aujourd'hui, ayant des Bibles chacun dans nos maisons, la plupart des croyants apprennent à connaître les Écritures parce qu'ils font confiance à quelqu'un qui les enseigne. Il faut être réaliste. Les chrétiens lisent la Bible et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui la lit beaucoup, pas tout le monde qui la lit régulièrement, et je ne veux pas de reproches ici. Mais on se fie et on apprend en jasant avec des plus vieux chrétiens, avec des enseignants, des pasteurs. On lit des livres de d'autres personnes. Donc on apprend comme cela à connaître les Écritures, à connaître Dieu. Et on fait confiance à des gens. Ceux d'entre vous qui naissent dans des familles chrétiennes, ben, vous avez appris une grande partie de votre foi en parlant avec vos parents qui vous ont proclamé la foi en Jésus-Christ. Vous faisiez confiance à vos parents. Et ça ne veut pas dire qu'ils disent toujours la vérité à 100%. Ça ne veut pas dire que leur compréhension, leur interprétation est juste à 100%. Et ça veut dire que vous faites confiance à ces gens-là et vous les écoutez. Parce que vous savez qu'ils travaillent pour vous, travaillent pour le Seigneur, ils sont des croyants. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul va commencer son épître en disant au verset 2, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. » Paul rend grâce à Dieu pour les croyants de Thessalonique. Cette semaine, je méditais là-dessus, je me disais, « Seigneur, est-ce que moi, je peux rendre continuellement grâce à Dieu pour tous les frères et sœurs de mon tremplin? » Et je peux vous dire honnêtement que c'était pas facile au début. J'ai pas trouvé ça facile de rendre grâce pour vous tous. Donc pourquoi? Parce que je me suis mis à penser à vous et en regardant ce que vous faisiez et ce que vous ne faisiez pas. Je regardais ce que vous, l'engagement que vous aviez, le zèle que vous aviez, et c'était pas facile pour moi de rendre grâce à Dieu. Pensez-vous que j'ai raison? Peut-être vous dites, mais François, voyons. Et vous savez, si vous regardez la vie de quelqu'un, c'est pas toujours évident de rendre grâce parce que vous allez voir dans ces gens-là et ces femmes-là, des forces et des faiblesses. Et des gens qui vous ont peut-être blessé, des gens qui vous ont peut-être même discrédité, qui ont peut-être parlé en vous de mal en mal, qui ont, et vous vous souvenez des choses, vous vous souvenez des erreurs qu'ils ont faites, et c'est difficile de rendre grâce à Dieu. En tout cas, en tant que pasteur, j'entends souvent les gens se critiquer mutuellement, mais on n'entend pas autant, hein, « Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu pour tel frère, je rends grâce à Dieu pour telle sœur. » C'est plus difficile. Et je me suis dit, mais comment ça que Paul, lui, il dit, il rend grâce continuellement à Dieu pour vous tous. Ben, remarquons premièrement que Paul rend grâce à Dieu. Il ne rend pas grâce aux croyants. Il rend grâce à Dieu pour les croyants. Donc, il sait que c'est Dieu qui fait l'œuvre dans la vie de ces croyants-là. Donc, il remercie de ce que Dieu est en train de faire dans son amour pour eux, dans sa grâce, dans la vie des croyants. Et ça, quand je me suis mis à penser ce que Dieu est en train de faire dans vos vies, c'était plus facile pour moi de rendre grâce à Dieu de ce qu'il fait dans vos vies. Ce que Dieu a planifié pour vous dans vos vies. Ce que Dieu va faire dans vos vies. Et là, on a des raisons de rendre grâce continuellement à Dieu. De quoi est-ce que Paul rend grâce? C'est ce que nous allons voir ce matin. Lisons ensemble le verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Paul va rendre grâce à Dieu pour trois choses. Et je vais reculer un petit peu. La raison pourquoi Paul va écrire cette épître-là, c'est que Paul avait laissé derrière lui, comme on a lu tout à l'heure, Timothée et Silas en arrière. On sait que Paul, selon les Actes des Apôtres, a été persécuté très fort à Thessalonique et il est obligé de partir très vite parce qu'il y a des persécutions. Paul a fui sa nationalité. Je pense à Éphèse après cela. Mais Timothée et Silas sont restés en arrière parce qu'ils étaient moins connus que Paul. Il y avait moins de danger pour eux. Ils ont continué à travailler avec les frères et sœurs pendant que Paul était parti. Et Timothée, revenant vers Paul, va donner à Paul un compte-rendu de ce qui se passe. Des choses, comment les choses vont bien et comment les choses, des fois, vont moins bien dans d'autres domaines. Et Paul va rendre grâce pour trois choses. D'abord, il va rendre grâce à Dieu pour certains souvenirs. Il dit au verset 3, me rappelant. Il va leur rendre grâce, deuxièmement, de leur élection. On va voir la prochaine fois. Il va rendre grâce aussi des bonnes nouvelles qu'il a reçues des Thessaloniciens par Timothée. Donc, il se rappelle des choses qu'il a vécues là, lui, pendant qu'il était là. On ne sait pas s'il était là pendant quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas combien de temps il est resté, mais assez pour avoir des souvenirs, du moins. Et c'est ce que nous allons regarder ce matin. Il dit, je rends continuellement grâce à Dieu, dans mes prières, pour l'œuvre de votre foi. Comment vous rendre grâce à Dieu qui ne dit pas pour les œuvres de votre foi? Dans les commentaires que j'ai lus, les gens essaient de décrire quelles sont les œuvres de la foi. Et tout le monde commence à dire, mais les œuvres de la foi, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est ça. Si tu as la foi, tu vas faire telle œuvre, telle œuvre, telle œuvre, tu ne feras pas telle chose. Mais ici, il ne parle pas de ça, il parle de l'œuvre de leur foi. Quelle est donc cette œuvre? Je crois que Paul parle de la croyance en Jésus-Christ. Je me rappelle la foi que vous avez mise dans la prédication de l'Évangile, la foi que vous avez eue dans l'annonce qu'on vous a faite de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. L'œuvre de cette foi, vous avez été persécutés, attaqués, malmenés par vos concitoyens. Mais vous avez gardé la foi. Vous avez gardé la foi. Vous savez, mes frères et sœurs, l'important, c'est de garder la foi. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il dit, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Et je crois que quand Paul dit cela, il le dit avec une excitation, avec une force, j'ai gardé la foi. Comme si c'était ça, la chose la plus importante, de garder la foi. C'est pas combien j'étais de fois à l'église, c'est pas combien de fois j'ai lu ma Bible qui est important, c'est pas combien d'heures j'ai passé dans la prière qui est important. Parce que vous savez, quand vous allez mourir, c'est pas ça qui va compter. C'est est-ce que j'ai la foi, oui ou non? Suis-je mort dans la foi? Est-ce que j'ai terminé la course dans la foi? Combien que j'ai connu, combien vous avez connu de gens qui ont commencé la course, mais qui ne l'ont pas terminée? Qui ont rejeté la foi en s'en allant, qui ont changé, le oui est devenu un non, pour toutes sortes de raisons. Je parlais avec un homme cette semaine qui disait qu'il a fait profession de foi dans le passé, mais à un moment donné, ça n'allait pas bien, il ne réussissait pas, Dieu ne répondait pas aux prières, pour toutes sortes de raisons, et j'ai mis ça de côté et j'ai rejeté ça. Combien de gens vont faire ça encore dans le futur? Paul dit, je me rappelle la foi. Je rends grâce à Dieu pour cette foi qu'il vous a donnée. Parce que la foi n'est pas quelque chose qui naît dans le cœur du croyant. C'est un don de Dieu, selon Éphésiens 2. C'est un don de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'œuvre de votre foi. Parce que la foi que vous avez, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de vous. Deuxièmement, il dit, je rends grâce à Dieu continuellement pour l'amour, pour le travail de votre amour. De quoi parle-t-il? De quel amour il parle? Parle-t-il de l'amour qu'ils ont pour Jésus-Christ ou de l'amour qu'ils ont pour les frères? Ou c'est les deux? On va voir dans les épîtres de Thessalonique, il va dire, je n'ai pas à vous écrire parce que vous avez appris à vous aimer les uns les autres. Il va parler aussi de l'amour qu'ils ont pour Christ. Je crois qu'il n'est pas possible d'avoir l'amour les uns pour les autres, pour les enfants de Dieu, si on n'a pas d'abord l'amour pour Christ, l'amour pour Dieu. Mais il dit le travail de leur amour. Donc l'amour, c'est quelque chose qui c'est des actions faites pour quelqu'un. Nous, on a tellement été trompés par notre société, par nos chansons d'amour qui parlent de l'amour comme un feeling, de l'amour comme un sentiment. Quand la Bible parle surtout de l'amour comme des actions, le travail de votre amour. J'ai vu ce que vous avez fait pour le nom de Christ. J'ai vu ce que vous avez fait aux frères et sœurs qui ont le même amour que vous pour Christ. Je me rappelle cela. Je me rappelle dans ces moments de difficulté, de forte persécution contre nous, comment vous avez agi les uns envers les autres. Et Paul va ramener ça souvent dans ses épîtres. Dieu ne va pas oublier l'amour que vous avez manifesté pour les saints. Et Jean va dire, il est impossible d'aimer Dieu et de ne pas aimer les frères. Si vous aimez les frères, vous allez aimer Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez aimer les frères et sœurs. Ça ne se sépare pas. Il est facile d'aimer Dieu, de dire, j'aime Dieu beaucoup. Pas aussi facile de dire, j'aime mes frères, en pratique. C'est facile de dire, j'aime les frères, mais je ne les vois jamais. Je vais les voir le dimanche matin pendant une heure et demie, deux heures. Ah, je les aime beaucoup, les frères. Mais ça arrête là. C'est pas vraiment de l'amour, ça. L'amour, c'est dans la pratique. Qu'est-ce que je fais? Quel travail est-ce que j'exerce pour les frères et sœurs? C'est là que ça se mesure de façon un peu plus tangible. Troisièmement, il dit, je rends grâce à Dieu continuellement. De la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on a de l'espoir, hein, notre espoir, aujourd'hui dans notre société, c'est quelque chose qui va peut-être arriver. J'espère. Hier soir, ma fille, après souper, elle dit, il faut que j'aille au dépanneur. C'est chez nous, ma fille, mais elle est enceinte, elle va accoucher dans à peu près un mois, et celui chez nous, ça monte, hein, elle compte. Pour venir chez nous. Et ma fille, de plus en plus, elle trouve la côte un peu plus difficile à monter. Et là, je dis, j'étais surpris un peu qu'elle veuille aller au dépanneur, descendre la côte, pour monter la côte après souper. Je dis, qu'est-ce qu'il y a d'aussi plus urgent d'aller au dépanneur? Oh, elle dit, il faut que j'achète mon billet 649 parce que le tirage va avoir lieu à soir. Pourquoi qu'elle va s'acheter un billet? C'est parce qu'elle a d'espoir. Elle espère gagner. Mais cette espérance-là est très, très éphémère. Puis elle me dit, ça fait longtemps qu'elle prend des billets comme ça. Donc, automatiquement, elle n'a jamais gagné encore. Parce que si elle avait gagné, je l'aurais su, hein, elle l'aurait dit. Donc, cette espérance-là est de moins en moins forte parce que plus elle en prend souvent, mais elle ne gagne jamais. Mais elle a un petit espoir encore de gagner. Mais ici, l'espérance du chrétien, ce n'est pas ça ici. L'espérance, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui est futur. Mais dans la Bible, c'est toujours quelque chose qui est certain qui va arriver. Vous êtes ferme dans l'espérance que vous avez de voir revenir Jésus-Christ. On va voir, Nathan, il était tellement sûr que Jésus était pour revenir, puis bientôt, vite, qu'il y en avait d'entre eux, parmi les Thessaloniciens, qui avaient même arrêté de travailler. Ils avaient tout vendu. Et puis, ils avaient lâché le job, parce que Jésus revenait. Et Paul va être obligé de leur dire que celui d'entre vous qui ne mange pas, qui ne travaille pas, excusez, il ne mange pas. Paul il disait, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris par rapport au retour du Seigneur. On va voir qu'il dit, il y a des choses qui doivent arriver avant que Jésus revienne. Il y a des signes qui vont vous être donnés avant que Jésus revienne. Il dit, ces signes-là, s'ils ne sont pas encore là, vous ne devez pas arrêter de travailler. Vous ne devez pas vendre vos maisons, comme certains ont fait au Québec des années, autour des années 70. Il y a des mouvements religieux qui disaient, Jésus va revenir, Jésus va revenir. Il y en a qui ont vendu tout ce qu'ils possédaient. Et ils ont commencé à annoncer l'Évangile, leur Évangile, en tout cas ce qu'ils comprenaient de l'Évangile. Ils ont été bien déçus parce qu'on est rendu en 2005 puis Jésus n'est pas revenu. Et j'ai vu des chrétiens faire des actions, des gestes très décevants parce qu'ils croyaient que Jésus devait revenir et que l'Église serait en vie. Mais je me réjouis, je me rappelle. Quelle fermeté vous avez. Vous étiez solidement fondé dans l'espérance que vous avez que Jésus va revenir un jour. Et cette espérance-là que nous avons, que Jésus va revenir, chercher son Église, bâtir de nouveaux cieux, nouvelles terres, installer son peuple sur cette, sur cette terre nouvelle, dans la présence de Dieu, motive nos vies. Nous donne de garder la foi. Nous donne de prendre position dans différents moments de nos vies. Envers et contre tous. Même peut nous donner la force comme certains chrétiens qui sont même allés jusqu'à la mort. Parce qu'ils étaient sûrs de cette espérance qu'ils avaient en Jésus-Christ. Était pour arriver un jour et que bientôt, le Seigneur viendra les chercher. Donc, on va arrêter là parce que c'est tout le temps qu'on a ce matin. Rendons grâce au Seigneur. Si vous ne rendez pas grâce aux frères et sœurs, c'est probablement vous ne regardez pas à ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Mais vous faites comme moi. Vous regardez à ce qu'ils font ou ne font pas. Ou vous regardez à ce qu'ils vous ont fait. Ou ce qu'ils n'ont pas fait pour vous. Mais si vous faites ça, vous ne vous rendez pas grâce. Mais si vous regardez à ce que le Seigneur est en train de faire dans leur vie, vous allez rendre grâce à Dieu continuellement pour les frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.